Yeah. Mais c'est l'enfouine. Et on passe aux choses sérieuses. Bafala remix. J'espère que t'es prêt parce que. Parce que je fais pas du rap français. Je fais du rap en français. Hey, quoi de cut killer? Où dans les amnésies? R.A. sur ton B, bienvenue du son carry. DJ Ballon de l'enfouine. Cut killer. This is the remix, baby. Let's go. Yeah, les keufs rap en ouvre pas. Banlieue sale, t'approuve pas. Ton équipe, c'est personne. Ma gueule, même Google te trouve pas. On regarde le rap d'en haut. C'est pas des paroles en l'air. Enfin, si on est des stars, tu veux nous shooter, tire en l'air. Fouini, fouini, paye, paye. Banlieue sale, c'est le label. Allô, tu disais quoi? Bouge pas, j'ai l'argent, double appel. 7-8 depuis le début, on a fait des déçus. Veni, Vici, Vici, t'es venu, t'as vu, t'as cessu. Tu veux gagner, change d'équipe, tu vas te prendre un coup de cric. Toutes les femmes dans tes clips, on dit à sucer toute ma clique. Sur la lune, j'y étais, sur la lune, j'y étais. Ils ont fait du bruit en se posant, j'ai dû reposer mon couplet. Peut-être que l'année prochaine, ils seront là où hier j'étais. Frère, j'ai trop d'avant, j'arrive en gros Cayenne, j'étais. J'étais en gros Cayenne. J'étais. Frérot, ça pue le pédo dans ma super 5 PC. Monsieur le corbeau, monsieur le corbeau, monsieur le corbeau. Sans plein baba, Marseille. Oh my god, oh my god, les MC sont dans ma peau. Ils veulent te voir de près. Dis-leur qu'il leur faut un télescope. Car je suis trop loin pour eux, mon style ne fait que les scandaliser. Amène-moi les sur ma planète que je puisse les analyser. Ils t'en font plus qu'un pas mal quand je me mets à débuter. Ne m'appelle pas Toby, mon nom à moi c'est Sopraquité. Oui mais j'ai trop d'appétit, laisse-moi le son que j'engloutis. Pendant que les autres MC habillent leur flou à élocuti. Qu'ils aillent tous vite s'abuter. Je ne ferai pas de charité. Je dis mon nom à moi c'est pas Toby. Ok, quoi de neuf, admirable? Un négro dans la ville. Girl s'arrache les cheveux, les envieux s'épulent. Yeah. J'arrive comme Hugo, comme Katrina. J'opère la vie sans m'en fil. J'suis poids lourd, toi des taille-fils. Le menant la ville, c'est qu'il dans le sol qui. Ghetto Guadaraga m'en fil. T'es armé, armé comme les gola. Ennemi, j'mange ça comme du chocolat. Banlieue sale, animal, quand on arrive, tout le monde fait la hola. Oh. On est dans le futur, toi tes flots sont le moisi. Yeah. On n'a pas choisi la musique, c'est elle qui nous a choisi. Yeah. Flow assassin, meurtrier. Ruiné au bas d'avis douillet. 78 banlieue sale, banlieue ouest, pas banlieue en okay. Yeah. Dédicace Admiral T, 971 baby. Ok, sick kicks. Maintenant ça se DDDX, demande la steak Diego. J'ai coupé le chêne, ma couillasse. J'laisse les MC en dallo. J'suis en concert au Dallas et au Scandalo. On t'allume au calage, vire roue arrière en chat d'assaut. Tina Valo du robinet, Narvalo du caniveau. Dans le rap j'ai aucun rivaux. Avec leur face tout en carton. Les MC pis dans mes rimes comme si j'étais tout en carreau. On a des gueules de Stremont et des grosses tremons. Ma bite dans l'œil ton, ça fait 10 dans l'œil du maton. On parle argot de tremont. Criave les autres, t'es mort. Exécute quand on donne nos ors. Pèse les putes comme un dinosaure. J'suis avec PLC, plus que siffle un abucodonosor. J'rappe les doigts dans la gorge pour japper mes meilleurs sorts. Oh, tu veux de l'écaille de poisson? Pas besoin d'aller au bord. Cherche que des avions, appelle-moi l'aéroport. Au pied, une paire de Danger. Au bras, un paquet plus qu'à. Fais porter le vol à ta femme ou la viole du gars. Écoute cette grosse prod soniquée. L'alcool est martiniqué. Rose, j'crois que j'vais tout niquer. Toujours alcool manuqué. Flow mille et millénium. Le tien est sans unité. J'ai la dégaine d'un criquet qui te fout à poil breliqué. Canardon dans la tour des grands bambans. Les sales mecs qu'on entreprend. Ta petite tête est dans nos rétro. Refrais la nôtre est dans ton écran. Si tu rappes après moi, c'est que t'as du cran. Un petit conseil recul d'un cran. Brolique, non, j'connais pas de cran. D'arrêt de trappe à Abidjan. J'ai les pieds dans le bise et la tête dans la tise dans la main et de l'autre, je te vise bambans. Le sale musique, physique, technique, t'inquiète pas, on maîtrise. Déterminé comme Aboudou, mais tu piges pas le flow et vaudou. Hey. Même sur une chaise, tu m'arrives à peine aux genoux. N2S, N2S. Je traîne, Darveda 04000, paf, ça bouge pas. Haute moupisse, prolique verbal. Voyez le sale, on s'en jase. R.I.Z, je te vois. Haute moupisse, prolique verbal. 11-43 dans le trou de balle. Aujourd'hui, je suis extrait, je vais me sauver du tribunal. Hachis, drame, ma tribu, kiff, la pénétration. pénétration anale. Ed Smith, my CEO, Paul Yezar qui fait danser le leader, j'suis ton pire cauchemar. Obligé que ça parte en bagarre. Énervé, j'ai pas coco. Aujourd'hui y'avait les gendarmes au parloir. Regard en frarouge, Royal et Lyon, ils chassent dans le noir. Panthère perruqué, j'vais te piquer, j'suis ton prédateur en haut. J'suis avec Omar dans une impasse. En X-Max, spécial delivery, ma grosse belly. C'est Mad Max, j'suis tellement violent pour toi, espèce de petite connasse. Tu apportes un tampax toute l'année en tôle, j'suis number one comme Colmax. Royal, mon flow, un numéro d'écrou. J'rigole quand j'm'écroule. J'suis complètement merboulé à la départementale qui patrouille. On s'envole comme les aigles royales, les eunuques n'ont plus de couilles. Bafana, Tabeda, hors la loi qui passe à la foule. Hey, ça.